France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et en partenariat avec le journal L'Équipe, ils ont enlevé Fangio. Ils, ce sont les fidèles de Castro. Le 23 février 1958, alors que les essais du Grand Prix de Cuba viennent de s'achever, un petit groupe de guérilleros communistes kidnappe à son hôtel le pilote de Formule 1 le plus connu du moment, Juan Manuel Fangio. Pour les militants, l'objectif est vieux comme le monde. Faire connaître leur mouvement auprès de l'opinion publique et dénoncer la tyrannie du chef de l'État de l'époque, le général Batista. En poste depuis un coup d'État en 52, soutenu par Washington, le potentat cubain mène une politique autoritaire tournée vers le tourisme de luxe, loin, bien loin des préoccupations de la population. Fangio, lui, est une légende, dorloté comme un VIP qu'il est. Le pilote va vivre une captivité en forme d'étrange week-end, sans jamais vraiment craindre pour sa vie, avant d'être relâché 27 heures plus tard. Le temps pour lui de rater un Grand Prix meurtrier, ce jour-là en effet, le danger, il était sur la piste. Un révolutionnaire armé, pilote de Formule 1, playboy américain, un dictateur corrompu, le tout sur fond de guerre froide, plongé dans une histoire rocambolesque. Notre invité aujourd'hui, Sylvain Resser, journaliste, auteur du livre intitulé « Les mille vies de Fangio », paru en 2023 aux éditions du Rocher. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Guillaume Ballandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. De dramatiques événements se sont déroulés à Cuba à l'occasion du deuxième Grand Prix de La Havane. La nouvelle que Fangio a été enlevé par des révolutionnaires à La Havane a éclaté ce matin à Buenos Aires comme une bombe. Fangio est le héros national argentin. Une voix anonyme déclarait à chaque fois: ici, les 26 de juillet, nous avons kidnappé Juan Manuel Fangio à 8h55, heure locale. Ses coups de téléphone émanaient de la bande rebelle commandée par Fidel Castro. Viva Cuba libre! Libertad o muerte! Dimanche 23 février 1958, La Havane. Le vacarme des Formule 1 qui démarre fait trembler les murs du quartier huppé de Malecón. Sur le bitume de l'avenue Maceo, là où les stands ont été installés, des dizaines de taches d'huile de moteur chauffées par le soleil gondolent l'atmosphère dans une nuée d'arc-en-ciel. Bonjour les tropiques. Aujourd'hui se tiennent les essais du Grand Prix de Cuba, deuxième du nom avant la course du lendemain. Même si elle ne compte pas pour le championnat du monde de Formule 1, cette épreuve en milieu urbain, comme celle de Monaco, a déjà attiré quelques grands noms de la discipline. Le Britannique Stirling Moss, l'Américain Carroll Shelby, mais surtout l'Argentin Juan Manuel Fangio. Vainqueur de la précédente édition du Grand Prix, mais surtout quintuple champion du monde, le pilote argentin de 46 ans jouit d'une aura quasi divine dans toute l'Amérique latine. Cuba accueille un nouvel événement sportif avec la tenue de son deuxième Grand Prix automobile. La plus grande attraction est au volant de la voiture numéro 2, Juan Manuel Fangio, venu d'Argentine. En fin de matinée, les premières voitures s'élancent sur la piste. Dans la grande tribune qui longe la ligne droite, face à une mer turquoise, les spectateurs déchaînés acclament ces monstres d'aluminium et d'acier. Ferrari 335, Porsche 96, Maserati 300S. Elles accélèrent dans l'immense avenue avant de disparaître au loin. Après les premiers tours, le redoutable Stirling Moss détient le meilleur chrono, suivi de près par l'Américain Mastin Gregory. C'est alors que venue des stands, une surpuissante Maserati 450S bleu et blanc, flanquée du numéro 2, s'engage sur l'avenue. Dans les tribunes, les regards se tournent et le temps s'arrête. Juan Manuel Fangio est là. Chemise blanche, casque en cuir et lunettes d'aviateur posées sur un visage impassible, le pilote écrase la pédale d'accélérateur et file entre les palmiers. Arrivé à un panneau de signalisation qu'il a pris comme repère, il freine, tombe les rapports et tourne à gauche sur la rue G qui longe le parc. Imperturbable, il contrebraque pour compenser le survirage de son imposante italienne, puis il disparaît dans la ville. Toute la tribune reprend son souffle. Même s'il a pris quelques kilos, le champion a gardé son coup de volant légendaire. Regard d'aigle, agilité de funambule, flegme olympien, mais surtout un sixième sens, digne des pilotes d'exception. Comme le raconte un témoin, Luis Franciscovitch, au micro de Loïc Fret. J'ai eu la chance, après, de voir aux essais, je m'étais installé à un endroit où je voyais le passage exactement. Et Juan Manuel passait 20, 30 fois exactement au même endroit où il avait décidé de passer. Quelques instants plus tard, Fangio réapparaît. Il vient d'enquiller les 5584 mètres de goudron plus vite que tous les autres. 1 minute 59 secondes et 2 dixièmes. Le visage noir taché de suie, il rejoint les stands et s'extirpe de la monoplace, tout sourire. À son manager, Marcello Gambertone, il donne ses premières impressions. Drôle de circuit tout de même que ce tracé à Vannay. Deux immenses lignes droites, ponctuées par une poignée de virages rapides, deux épingles, et puis voilà, c'est tout. Autrement dit, pas grand-chose. Fangio, Moss et les autres sont unanimes. Ce circuit cubain est rapide, certes, mais il présente un intérêt sportif, disons, limité. D'ailleurs, la course de l'année précédente avait été sans grand suspense. Parti en pole position, l'Argentin avait mené le peloton du premier jusqu'au dernier tour. Mais alors, pourquoi le gratin des pilotes s'est-il donné rendez-vous sur ce tracé monotone dans une course hors championnat? La réponse est certainement du côté des primes. 18 000 dollars pour le vainqueur, soit l'équivalent d'environ 190 000 aujourd'hui, et à peine moins pour les suivants. C'est plus que sur n'importe quelle course régulière du championnat. En réalité, cette épreuve a été voulue en haut lieu. Oui, par le chef de l'État en personne, le général Batista. Costume cravate impeccable, les cheveux plaqués en arrière, le militaire de 57 ans observe depuis la tribune officielle les grappes de gens postés autour de la piste. Il jubile, ce Grand Prix s'annonce comme un immense succès personnel, et il est bien décidé à le savourer. Pourtant, malgré son allure débonnaire, Batista tient une réputation d'homme colérique, imprévisible. En ce mois de février 58, voilà 6 ans qu'il a renversé le précédent gouvernement. C'était le 10 mars 52, soutenu par une frange de l'armée, financé par la CIA. Dans la logique de la guerre froide, tout ce qui est anticommuniste est bon à prendre, y compris les pires dictatures militaires, proches de l'extrême droite. Mais bon, Batista, avec l'aide des Américains, donc, prend le pouvoir, comme le rappelle ce reportage des actualités françaises. À La Havane, capitale de Cuba, le général Batista, appuyé sur l'armée, vient de prendre le pouvoir par un coup d'État éclair. En moins d'une heure et sans verser une goutte de sang, il avait en effet en main les principaux postes de commande du gouvernement, tandis que le président Prio se réfugiait à l'ambassade du Mexique. Déjà maître du pays de 1933 à 1944, le général Batista motive sa révolution par la nécessité de mettre un terme au gangstérisme politique et de faire régner l'ordre dans l'île. Inutile de dire que le gangstérisme politique n'a pas miraculeusement cessé sur l'île. Depuis sa prise de pouvoir, Batista règne sur Cuba comme un seigneur sur son domaine. Sa politique économique tient en 3 lettres, USA. Allié indéfectible de Washington et de la pègre new-yorkaise, il multiplie les initiatives pour faire de son île tropicale un petit paradis pour riches yankees. Casinos, palaces, yachts. En quelques années à peine, La Havane s'est transformée en une sorte de Las Vegas latino que les playboys fortunés et les mafieux investissent le temps d'un week-end de débauche. Le plus souvent, on les voit déambuler sur le front de mer, Ray-Ban sur les yeux, bras dessus avec de jeunes cubaines apprêtées. Pour eux, la vie à La Havane se résume à un programme bien réglé, machine à sous, cigares, rhum, prostituées et maintenant donc, course automobile, le tout sous fond de musique cubaine. Pour Batista, ce Grand Prix se veut comme la vitrine de son régime, mais aussi un aimant à billets verts. Et ça marche. Lors de cette deuxième édition, plus de 150 000 spectateurs investissent les bords du circuit. Une fois la séance de qualification terminée, Batista descend de la tribune et s'invite dans les stands en compagnie de sa garde rapprochée. Tout sourire, il serre la main de Fangio et pavane devant les photographes. Il est aux anges. Cette rencontre au sommet lui assure un crédit supplémentaire auprès de la population. Car malgré tout, il est loin de faire l'unanimité sur l'île. Sa politique ne profite qu'à une infime minorité de Cuba. Pour les autres, c'est système des petits trafics. D'ailleurs, en ce début d'année 58, l'opposition au régime n'a jamais été aussi importante. Elle s'est même cristallisée autour de la figure d'un avocat hâbleur et charismatique de 32 ans, Fidel Castro. Barbe Noire, Trahi et Cigare aux Lèvres, Castro est le fondateur d'une organisation marxiste clandestine appelée M26, pour Mouvement du 26 juillet. Le groupe tire son nom de la date de son action fondatrice, l'attaque de la caserne de Moncada, le 26 juillet 1953. Arrêtés, Fidel et les siens sont jetés en prison avant d'être amnistiés 2 ans plus tard, en 55 donc, sous la pression populaire. Véritable armée révolutionnaire, les fidèles de Castro vivent comme des maquisards dans les montagnes de la Sierra Maestra. Dans le noyau dur, autour de Castro, on trouve un petit groupe appelé les Barbudos. Il y a notamment son frère, Raúl, ainsi que Camilo Cienfuegos, mais aussi un médecin argentin, un certain Ernesto Guevara, qu'on appellera bientôt le Che. Ainsi, le M26 multiplie-t-il les actions contre le pouvoir avec un objectif, la fin de la tyrannie de Batista et l'avènement d'un État socialiste. À La Havane, les menaces du chef rebelle Fidel Castro ne sont pas restées lettres mortes. Les incendies de plantations de canne à sucre observés au lendemain de l'ultimatum au président Batista semblent indiquer que les rebelles n'hésiteront pas à ruiner l'économie cubaine pour parvenir à leur fin. En ce début 58, le M26 jouit d'une popularité grandissante au sein de la population cubaine. Mais au-delà des frontières de l'île, c'est plus compliqué. À l'étranger, personne ou presque n'en a entendu parler. Alors, quelques semaines avant le Grand Prix, les guerrilleros décident de profiter de l'événement pour frapper un grand coup. Bien. Mais quel genre d'action spectaculaire faudrait-il mener pour faire la une des médias? Réponse: enlever le pilote le plus célèbre du monde, Juan Manuel Fangio. Pour le volet opérationnel, les informations principales n'ont pas été très difficiles à trouver. Le champion argentin est logé, comme tous les autres pilotes prestigieux, dans le très exclusif Lincoln, situé en plein centre-ville. Après quelques repérages, une rapide concertation, l'action est planifiée pour la fin de la journée, quelques heures après les essais. C'est à 20h40 que le feu vert est lancé. 3 membres du M26 pénètrent dans le hall bondé de l'hôtel. Parmi eux se trouve un étudiant en droit, Oscar Moya. Blouson en cuir et fine moustache, il approche sa silhouette longiligne près du bar et alpague un touriste. Il lui demande « Qui est Fangio ?» Même si la question semble étrange, on lui indique un petit groupe là, situé à quelques mètres. Détendu, le maestro argentin est alors en pleine discussion technique avec quelques proches. Son manager, Marcelo Gamberton, son mécanicien, mais aussi un collègue pilote et futur constructeur, Alessandro De Tomaso, qui raconte la suite des événements dans le documentaire de Loïc Fret intitulé « Fangio » et diffusé en 1995. Nous étions en train de parler de rapport de boîte, s'il fallait changer ou non. Et puis tout à coup, un homme est arrivé, il était grand, il était moustachu, et il a dit qu'il devait être Fangio, et Fangio l'a regardé. Et il a dit « Moi, je suis Fangio ». Alors, l'individu a brusquement sorti un revolver, une sorte de pistolet. J'ai eu un moment de surprise, j'ai cru que c'était une blague organisée. Parce que Fangio a dit très tranquillement « Allons-y ». Le revolver pointé sur les côtes, Fangio sort de l'hôtel, encerclé par ses ravisseurs, sous le regard médusé de ses collègues et amis. Dehors, il est emmené au pas de course jusqu'à une ruelle sombre. Là, une Plymouth verte attend, moteur tournant et phare éteint. À l'avant se trouve le cerveau de l'enlèvement, Arnold Rodriguez Camps. Regard aux aguets et mains serrées sur le volant, le rebelle observe ses comparses dans le rétroviseur et leur otage se diriger vers lui. Puis la portière arrière s'ouvre et Fangio est jeté sur la banquette. De leur côté, les 3 hommes qui l'ont enlevé continuent leur chemin. Désormais seul avec le chauffeur, l'Argentin n'a pas le temps de souffler. La berline démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Voilà. En 5 minutes à peine, la vie du quintuple champion du monde a basculé. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. navío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'enlèvement du pilote Fangio. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Soirée du 23 février 1958, La Havane. Une Plymouth verte file dans la nuit cubaine. Au volant se trouve un rebelle castriste, Arnold Rodriguez Camps, et son otage, quintuple champion du monde de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Alors qu'il venait de signer la pole position du Grand Prix prévu pour le lendemain, le pilote de 46 ans a été enlevé dans le hall de son hôtel devant ses proches ainsi que des dizaines de témoins incrédules. Assis à l'arrière, pas forcément en panique, l'Argentin regarde les immeubles défiler avec inquiétude tout de même. Qui sont ces ravisseurs? Et où sont passés les trois autres qui l'ont enlevé à l'hôtel? Dans la pagaille, il a bien entendu qu'ils étaient des membres du M26, mais il ne connaît rien à la politique cubaine. Il n'a même jamais entendu le nom de Fidel Castro. Il faut dire que malgré son palmarès et son statut de légende vivante, Fangio est resté un homme simple. Son unique passion, sa raison de vivre, c'est l'automobile. Mais, encore une fois, à quoi pense-t-il à ce moment précis dans cette voiture qu'il ne conduit pas? Peut-être se souvient-il de ses débuts modestes en Argentine et de ce virus pour la vitesse qu'il a attrapé dès sa première course 20 ans plus tôt. C'était au volant d'une Ford A. Il avait tout juste 25 ans. Au premier départ, ce que j'ai ressenti, c'était de la joie. J'étais ravi parce que je disposais d'une automobile, je la conduisais. C'est impossible de l'expliquer, mais j'avais carrément envie de chanter. Mais dans la nuit noire havanaise, Fangio n'a plus envie de chanter. À l'hôtel Lincoln, c'est la panique. Marcello Gambierton, le manager du pilote, tente d'alerter le ministre des armées de Batista et le directeur de course. Mais personne ne le prend au sérieux. Non, on pense à un canular, fréquent dans le milieu. Même le célèbre pilote français Maurice Trintignant, présent à l'hôtel, prend l'affaire à la légère. Mais 15 minutes plus tard, toujours pas de Fangio à l'horizon. Et peu à peu, il faut se rendre à l'évidence, l'enlèvement est bien réel. Quand il apprend la nouvelle, Batista explose de rage. Si Fangio n'est pas retrouvé très vite, son Grand Prix risque de perdre tout intérêt. Et le potentat vaniteux en sera pour ses frais. Replié dans son palais du centre-ville, combiné du téléphone en or massif en main, le général Batista, grotesque comme un général des albums de Tintin, aboie sur ses lieutenants. Sa réputation est en jeu, et sa réputation, c'est l'obsession de ce mythomane. Sous ses ordres, un important dispositif policier est mis en place. Les sorties de la ville sont bouclées et les maisons du quartier perquisitionnées. Au Lincoln, une nuée de fonctionnaires vient entourer le site et protéger les pilotes étrangers. La Havane est comme en état de siège. La nouvelle se répand dans tout le pays avant de traverser l'Atlantique pour atterrir sur les ondes de l'ERTF avec au micro un tout jeune journaliste sportif dénommé Thierry Roland. Juan Manuel Fangio, champion du monde automobile, a été enlevé cette nuit par des rebelles cubains. Que s'est-il passé exactement? Eh bien voilà, Juan Manuel Fangio revenait du circuit de La Havane où il venait de battre le record du tour au cours de la dernière séance d'entraînement. Il était dans le hall de son hôtel à La Havane, l'hôtel Lincoln. Mais jusque-là, il ne se doutait de rien. Deux hommes ont donc emmené Fangio, qui a d'abord cru que c'était une plaisanterie, mais se retournant et sentant le colt dans ses épaules, il a compris qu'il n'en était rien. Donc Fangio a dû, la mort dans l'âme, suivre ces deux hommes, et depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le journaliste ne le sait pas encore, mais Fangio va bien. Dans la Plymouth, l'ambiance est même détendue. Car même si son ravisseur est un militant révolutionnaire armé, il est aussi et surtout un grand amateur de sport mécanique. D'ailleurs, il présente au champion une requête improbable, faire un crochet par son domicile pour lui présenter sa femme et son fils. Naturellement, Fangio accepte, et malgré les circonstances, eh bien, la rencontre se passe bien, les deux hommes échangent, se ratombadin, presque amical. Finalement, après de longs détours en ville, la voiture s'arrête devant une petite maison de la Calle Norte, à 5 km à peine du Lincoln. À l'intérieur, se trouve une section complète du M26. Dès que Fangio arrive, il est mis à l'aise. Contre la promesse de ne pas s'enfuir, il demande à son tour aux rebelles de ranger leurs armes. Mais ce n'est pas tout. Dorloté par les femmes de la maison, il choisit le menu pour le repas du soir, avant d'être installé dans la plus grande chambre de la demeure, bref, le champion est traité comme un invité de marque, jusqu'à l'absurde, comme il l'écrira des années plus tard dans son autobiographie. J'acceptais et peu à peu me laissais gagner par le comique de la situation. Mais Kidnapper jouait presque à l'excès le rôle de personnage chevaleresque. Bonnes vacances, monsieur Fangio. Alors qu'il s'endort, le pilote argentin est désormais certain que sa vie n'est pas menacée. Pragmatique, son seul souci tient en une question, sera-t-il relâché à temps pour participer à la course ? Le lendemain matin, 24 février, le traitement 5 étoiles continue pour le pilote. Il est réveillé avec un copieux petit déjeuner qu'il prend au lit. Non loin de là, au palais présidentiel, l'ambiance est tout autre. Batista est d'humeur exécrable. La police n'a aucune piste sérieuse et la presse du monde entier parle de son opposant, Fidel Castro, comme ici sur les ondes de l'ERTF. Quel est le but de Fidel Castro qui mène la lutte contre le général Batista depuis que celui-ci a repris le pouvoir par un coup d'État le 10 mars 1952 ? On ne le sait pas. Peut-être Fidel Castro, qui tient le maquis, a-t-il voulu prouver qu'il était capable d'arrêter un événement international ? Peut-être a-t-il voulu impressionner les nombreux étrangers venus assister au deuxième Grand Prix automobile de La Havane ? Peut-être enfin veut-il simplement alimenter sa caisse en réclamant une rançon ? Jusqu'ici, il n'a rien demandé. Ici, Pierre Crenès à New York, à vous, Paris. Alors, quel est le but de Fidel Castro ? En réalité, il n'a rien à voir avec cette opération. Non, jamais il n'a été mis au courant. Pire, quand il apprend que ses amis ont enlevé le demi-dieu de la Formule 1, il est pris de panique. Parce qu'il sait bien que la réponse des pouvoirs sera brutale et qu'elle pourrait mettre en péril son mouvement. Néanmoins, force est de constater que l'opération est, pour le moment au moins, un immense succès. L'organisation de la course est sous le feu des critiques et Batista doit faire face à un scandale. La matinée passe et l'heure du Grand Prix approche. Engoncé dans son costume, le dictateur cubain fait les 100 pas dans son bureau. Que faire ? Annuler la course ? Qui donnerait raison à ces terroristes du M26 ? Non, hors de question. Le Grand Prix aura donc lieu avec ou sans Fangio. En milieu de journée, des centaines de milliers de spectateurs convergent à Malaisonne, au bord de la piste. Dans le paddock, l'atmosphère est étrange. Le pilote britannique Stirling Moss n'arrête pas de bâiller. Il a passé la nuit avec un policier derrière sa porte qui l'a réveillé toutes les 3 heures pour s'assurer que tout allait bien. Du côté de l'écurie de Fangio, décision a été prise de confier la Maserati 450S de l'Argentin à Maurice Trintignant. En catastrophe, le pilote nîmois reçoit quelques conseils du mécanicien avant le départ. Finalement, en début d'après-midi, la course est lancée avec 2 heures de retard et surtout sans le quintuple champion du monde. Au même moment, du côté de la Calle Norte, Fangio est en pleine digestion. Et pour le dessert, l'un des maquisards lui propose de suivre le Grand Prix à la radio. Mais cette fois, l'Argentin n'est pas d'humeur. Il refuse la proposition comme s'il pressentait qu'un drame allait se produire. Et pourtant, la course démarre normalement. Sterling Moss et Mastin Gregory prennent les devants et commencent à batailler. Mais après quelques tours, première alerte. Plusieurs virages sont recouverts d'huile et les passages deviennent de plus en plus hasardeux. Puis au sixième tour, l'inévitable se produit. Le pilote local Armando Garcia Cifuentes perd le contrôle de sa Ferrari jaune et noire et percute de plein fouet un groupe de spectateurs postés le long de l'avenue. Le bilan est lourd, 7 morts et une trentaine de blessés. Que les personnes sensibles ne regardent pas les images qui vont suivre. Attention, fermez les yeux. Autour du carnage, une grande confusion règne parmi les spectateurs et les secours. Très vite, les organisateurs doivent se rendre à l'évidence, il faut arrêter la course. Sterling Moss, qui vient tout juste de dépasser Mastin Gregory, est déclaré vainqueur du Grand Prix le plus court de l'histoire, 6 tours, bouclés en à peine un quart d'heure. Mais le résultat sportif n'a plus aucune importance, non. L'accident est dans tous les esprits. Et une rumeur commence à circuler. L'huile aurait été versée ici volontairement. Alors, ce drame a-t-il été causé par les maquisards du M26 ? L'hypothèse est prise très au sérieux par les autorités. Heureusement, l'accident de Cifuentes sera la dernière mauvaise nouvelle de la journée. Car quelques heures plus tard, un peu après 23 heures, Juan Manuel Fangio est déposé en catimini à l'ambassade d'Argentine par 3 révolutionnaires. Les Argentins et tous les passionnés de Formule 1 du monde respirent. Après une bonne journée de captivité, le champion est sain et sauf. À 23 heures, le secrétaire de l'ambassade d'Argentine rencontrait un Fangio souriant qui recouvrait ainsi la liberté après 25 heures de détention. Il fut conduit à la résidence de l'ambassadeur, où il arriva vers 1 heure du matin et où l'attendaient les journalistes. Fangio ne s'était pas changé, son costume gris était fripé et sa barbe épaisse. Il a déclaré qu'il avait été très correctement traité par ses ravisseurs, qui lui avaient expliqué les buts du mouvement de Fidel Castro. Fangio n'avait même jamais eu les yeux bandés pendant sa détention. Dans les jours qui suivent, le calme revient peu à peu à La Havane. Doucement, les circonstances de l'accident s'éclaircissent. Les taches d'huile venaient en fait de la Porsche endommagée de Roberto Mieres. La responsabilité du drame ne revient donc pas au M26, elle est attribuée intégralement au pilote cubain Cifuentes, alors qu'il lutte pour sa vie à l'hôpital. Le voilà accusé d'homicide involontaire. Rien, en revanche, pour les organisateurs qui ont pourtant laissé s'installer des milliers de spectateurs au bord de la route sans aucune protection. Quoi qu'il en soit, le Grand Prix écorne durablement l'image de Batista. Humilié, le dictateur engage alors tous les moyens nécessaires pour débusquer les responsables. Mais l'enquête s'annonce compliquée. Plus populaires que jamais, les guérilleros du M26 sont désormais protégés par la population. Néanmoins, en mai, donc 3 mois après la course, un homme est identifié, Oscar Moya. C'est lui qui s'est présenté au pilote dans le hall de l'hôtel. Arrêté, puis condamné à mort après un procès expédié, il est fusillé. Et ce, malgré l'intervention personnelle de Fangio auprès du ministre des Armées. Malgré cette petite victoire, le régime assassin de Batista se fragilise de jour en jour. Toujours en mai, il tente de reprendre la main et lance une grande offensive contre le mouvement castriste. Mais c'est un échec. Pendant l'été, les guerrilleros répliquent et bientôt une guerre civile éclate. Très vite, la population se range derrière Castro. Et le 1er janvier 59, moins d'un an après ce fameux Grand Prix, Batista et ses proches sont contraints de fuir le pays. Dans la foulée, Manuel Urrutia est nommé président, tandis que Fidel Castro devient premier ministre. En pleine guerre froide, l'URSS gagne ainsi un nouvel allié situé à 800 km à peine des côtes de Floride. Le monde vient de basculer dans une nouvelle ère. En politique étrangère, l'écho le plus sonore est celui qui nous parvient de Cuba. En effet, Fidel Castro est enfin entré à La Havane. Nous allons tout de suite rejoindre notre envoyé spécial, Philippe Diollet. À vous, La Havane. Ici Philippe Diollet qui vous parle de La Havane. Je viens de voir véritablement une ville en folie. Voici 2h30 de l'après-midi, moment où j'ai été à la rencontre de Fidel Castro et où j'ai vu le flou de tous les gens de La Havane se précipiter vers lui, véritablement les trottoirs lancés vers cet homme, des milliers de gens dans une espèce d'hystérie. Je n'ai assisté qu'à des scènes de joie, d'enthousiasme et de délire. Et Fangio alors, dont la géopolitique se fiche complètement, et légitimement. Eh bien, après cet épisode de La Havane, le quintuple champion du monde décide de lever le pied pour de bon. Et toute sa vie, le roi de la vitesse maintiendra qu'il était traité de façon presque amicale par ses geôliers. Et à chaque fois qu'il sera interrogé sur le sujet, il racontera la même chose. Cet enlèvement lui a peut-être sauvé la vie. Et oui, s'il avait glissé sur cette tache d'huile, aurait-il vécu jusqu'à 84 ans? Je pense que c'est le destin. Je leur ai dit, peut-être que vous avez bien fait de m'enlever. Effectivement, au sixième tour, il y a eu un accident qui a fait plusieurs morts. Un moteur s'est volatilisé. Peut-être que si j'avais fait cette course, je ne serais pas ici. Le destin, oh, j'y crois beaucoup au destin. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'enlèvement du pilote automobile Fangio à Cuba. Notre invité, Sylvain Resser, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'automobile au Figaro, auteur d'une dizaine d'ouvrages. Le dernier en date de vos ouvrages est intitulé « Les mille vies de Fangio », paru l'an dernier aux éditions du Rocher. Au moment où cette histoire débute, donc début 58, Fangio a 46 ans, il est sur le point de raccrocher. Quel est son statut dans l'opinion publique internationale? En fait, c'est une légende, Fangio. Il vient d'avoir 5 titres de champion du monde en 7 saisons. Il jouit d'une aura incroyable. C'est peut-être le sportif le plus connu au monde. Je sais pas si on peut imaginer, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'automobile, déjà, est quelque chose qui prend de l'importance. C'est les Trente Glorieuses. Tout le monde veut rouler en voiture. Donc, quelqu'un qui est plus rapide que tout le monde sur les circuits, comme Fangio, il jouit d'une aura incontestable, incontestée. Dans le monde entier, on parle de Fangio. Tout le monde dit « te prends pas pour Fangio », etc. Oui. Et il a quand même eu 5 titres en 7 saisons. C'est jamais arrivé. C'est incroyable. Il est un peu le Pelé du sport automobile. On peut faire la comparaison, exactement. C'est un peu le Pelé de la Formule 1. Quelles étaient ses qualités spécifiques pour être aussi brillant? Alors déjà, il a une résistance hors pair, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Grands Prix duraient plus de 3 heures. Ah ouais. Aujourd'hui, un Grand Prix, ça dure 1h30. Mmh. À l'époque, ça durait plus de 3 heures sur des voitures qui étaient extrêmement fatigantes à conduire, à piloter. Donc il avait cette résistance hors pair. Il avait une habileté au volant assez incroyable, supérieure aux autres. Il était capable pendant plusieurs heures dans les virages de passer au même endroit, c'est-à-dire qu'il avait une précision millimétrique qui était absolument incroyable. Et puis il avait un sang-froid aussi supérieur aux autres. Et quand même une sacrée condition physique, parce que au moment de cette histoire où il est encore pilote et qu'il prend les risques d'un pilote, il a 46 ans. C'est rare un sportif de haut niveau à 46 ans, à part peut-être dans le golf, et encore. Oui, en fait, les voitures à l'époque, faut se replacer encore une fois dans le contexte de l'époque, les voitures étaient lourdes, elles étaient difficiles à conduire. Mmh. Et, la raison de plus, ouais. Et Fangio, il n'avait pas le physique d'un jockey pilotes d'aujourd'hui qui sont plutôt très minces, plutôt petits. C'était quelqu'un qui était quand même assez fort. Et il avait plutôt des bras de camionneur et ça lui permettait de tenir la voiture pendant plus de 3 heures de course. Est-ce qu'elles allaient aussi vite que celles d'aujourd'hui? Elles allaient en vitesse de pointe. Sur une droite. Elles allaient presque à 300 km/h, donc elles allaient un peu moins vite qu'aujourd'hui. Les voitures aujourd'hui peuvent aller à plus de 350 km/h, donc elles allaient un peu moins vite. Elles allaient un peu moins vite dans les virages, mais elles tenaient peut-être 10 fois ou 20 fois moins bien la route qu'aujourd'hui. Donc c'était, elles avaient des routes vélo, donc c'était extrêmement difficile. Et puis les moteurs étaient à l'avant, donc les pilotes souffraient des vapeurs d'essence. Ils avaient des projections d'huile. Enfin c'était, et puis il n'y avait pas les équipements d'aujourd'hui. Les pilotes n'étaient pas attachés. Ils couraient souvent en chemisette ou en t-shirt. Au tout début, où Fangio a couru, il mettait un bonnet en cuir sur la tête, donc il n'y avait même pas de casque. Le casque est devenu, a été imposé en 52, mais avant, on courait quasiment les chevaux au vent, j'ai envie de dire. Ouais. Donc la sécurité pour les pilotes n'était pas garantie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour les spectateurs non plus, j'imagine. D'ailleurs, on le voit avec cette catastrophe, quoi, mais cette mort des spectateurs. C'était pas la sécurité au sens large, n'était pas la préoccupation à l'époque. D'ailleurs, 58 à Cuba, il y a cet accident, mais en 55 au Mans, il y a le grand accident de l'histoire du sport automobile qui fait plus de 90 morts avec une voiture qui rentre dans la foule. Donc, et pourtant, les spectateurs étaient quand même assez éloignés quand même de la piste, mais ils n'étaient pas protégés. Il n'y avait pas de grillage, il n'y avait rien. Mais c'était pas une préoccupation, et j'ai envie de dire que c'était un peu comme la corrida. Les spectateurs avaient envie d'être au bord de la piste, de presque pouvoir toucher les voitures et les pilotes. Ça faisait partie un peu de ce spectacle. Ah, et du rituel, quoi. Exactement. Il le fallait. Alors, on le voit dans toute cette histoire, et on l'entend dans les interviews, Fangio, apparemment, est toujours très calme, poli, serein. Quel genre de personne était-il? En fait, il avait, par ses parents déjà, il avait reçu une éducation. C'était quelqu'un d'honnête, de digne, de droit, de simple. Faut se souvenir qu'il venait quand même d'un milieu assez pauvre, au sud de Buenos Aires, dans un petit village qui s'appelle Balcarce, qu'il a jamais quitté d'ailleurs, il est resté. Pour ça que c'était quelqu'un qui était très simple, c'est que fortune faite, devenu une star, il a jamais quitté la maison de son enfance finalement, et son village, dans lequel il a fini par ériger un musée. Donc c'était quelqu'un de foncièrement très simple, gentil, droit, bienveillant. On va revenir sur ce Grand Prix de Cuba. Il s'agit donc d'une course hors championnat. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme les tournois exhibition de tennis, par exemple? Oui, il y en avait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de courses qui se couraient hors championnat et qui avaient beaucoup de primes au départ, de manière à faire venir beaucoup de pilotes célèbres, dont Fangio, Moss, etc. Tous les pilotes de l'époque venaient parce que il y avait beaucoup de primes, et c'était des courses qui comptaient pour aucun championnat. Et celle de Cuba ne se courait pas avec des monoplaces de Formule 1, mais avec des voitures de sport identiques à celles qu'on voyait courir aux 24 heures du Mans. C'est-à-dire, quand vous dites monoplace, ils n'étaient pas deux quand même? Non, mais les voitures qui couraient au Mans étaient des voitures différentes. On appelait ça des biplaces parce qu'il y avait deux sièges. D'accord. Et à la différence des monoplaces de Formule 1. Et donc là, ce Grand Prix de Cuba se courait avec des voitures biplaces d'accord. Du type de celles qu'on voyait aux 24 heures du Mans. Des voitures moins rapides que les Oui, moins rapides, mais pas tellement moins rapides, parce que très souvent, les voitures de Formule 1 et les voitures d'endurance partageaient les mêmes moteurs. Donc, c'était un peu moins rapide, mais pas tellement moins rapide. France Inter. Affaires sensibles. Sylvain Resser, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du sport automobile. Quels sont les rapports entre les pilotes à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un côté famille comme les rapports entre les pilotes de moto des années 70, Pasolini, Agostini, plus grand, entre Jack Finlay, Saarinen? Il y avait une espèce de famille dans les années 70 pour les motos. Est-ce que c'est la même chose pour les voitures dans les années 50? Oui, complètement. Il y a quand même un esprit de compétition, il y a une rivalité, oui, c'est certain. Sûr. Parce que tout le monde veut être, chaque pilote veut être devant l'autre, mais il y a quand même une fraternité, parce qu'en fait c'est une époque qui est extrêmement dangereuse. Les pilotes savent qu'ils peuvent mourir à chaque week-end, et donc c'est une petite famille. Ils se retrouvent sur les circuits, ils dînent ensemble, ils font la fête ensemble. C'est une famille, c'est assez convivial. Mmh. Et même, comme il y a eu le Grand Prix à plusieurs reprises en Argentine, et Fangio invitait les autres pilotes à dîner, il faisait un barbecue, il cuisinait même. Et c'était vraiment extrêmement convivial. On n'était pas dans la rivalité genre Prost-Senna qui a tourné à l'acrimonie, quoi. Non, on n'était pas dans ce genre de rivalité. Alors justement, je vous pose la question pour savoir comment ils ont réagi quand Fangio s'est fait enlever. Est-ce qu'on sait quelle était l'ambiance dans le paddock chez les pilotes, hein? Alors au début, personne ne voulait y croire, parce que déjà, on était à Cuba, les gens pensaient qu'ils étaient en sécurité, il y avait le service de sécurité de Batista. Et puis, pourquoi enlever Fangio? Ça paraissait complètement ubuesque. Et puis, donc tout le monde était incrédule. Et puis, bah, il a fallu se rendre compte à l'évidence que Fangio avait été enlevé. Et tout le monde était un peu quand même stupéfait. Et tout le monde espérait forcément qu'il n'y arrive rien. Et qui reviennent rapidement et qui participent à la course. Ouais. Donc la course doit avoir lieu, the show must go on, comme on dit. Donc j'imagine que les pilotes ont pris le départ dans un drôle d'état d'esprit quand même. Forcément dans un drôle d'état d'esprit, mais les pilotes sont d'abord des compétiteurs. Il y avait quand même des sommes importantes en jeu. Mmh. Il y avait des primes. Et puis the show must go on, effectivement la compétition reprend le dessus, reprend ses droits. Et c'est donc Stirling Moss qui gagne, hein, si vite près par Maston Gregory. Mais alors avec l'accident, je crois qu'il y a eu une sorte de confusion, un malentendu entre ces deux pilotes-là, c'est ça, non? Oui, il y a eu une confusion dans le dernier tour, juste après l'accident, les drapeaux rouges ont été agités, signifiant que la course était arrêtée. Mais les pilotes ont terminé le tour qui était engagé et il y a eu une confusion. Moss a doublé Maston Gregory et puis à l'arrivée, Maston Gregory ne l'entendait pas comme ça et dit non, Stirling, tu es pas vainqueur, etc. Et finalement, Moss a proposé de diviser par deux le montant de la prime. Mmh. Donc ils se sont partagés les primes pour que tout le monde soit gagnant. Bon, c'est tant mieux. C'est bien. Effectivement, ça montre un certain état d'esprit de l'époque. Alors, c'est un kidnapping étrange. On l'a dit, on l'a raconté, puisqu'il semblerait qu'à aucun moment Fangio n'ait eu peur pour sa vie. Il l'a confirmé, ça? Est-ce qu'il aurait pu parler de détention 5 étoiles? Qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce que ça pesait d'un point important dans sa vie? Bah, en fait, tout de suite, il a été embarqué dans cette voiture, la Plymouth, etc. Mais il s'est vite rendu compte quand même que c'était pas très sérieux. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont kidnappés et que le kidnappeur, il emmène la personne pour la montrer à sa famille, à sa femme et ses enfants. C'est le plus rocambolesque de l'histoire, c'est des tours. Normalement, on se retrouve dans une cellule et, et voilà, à la limite, sans lumière, etc. Là, il s'est retrouvé dans une maison dorlotée et après, il a parlé justement, il a dit qu'il avait eu une détention courtoise. Oui, le mot est bien choisi parce que ça reste quand même une détention. On lui prend quelques heures de sa vie. Oui, il était privé de liberté, mais bon, il était quand même. On lui a donné la meilleure chambre, on lui a servi à manger ce qu'il aimait bien, il a bu ce qu'il aimait bien. Il était dans un hôtel. Alors, je voudrais juste revenir sur l'accident. Quelles ont été les conséquences, tout de même, pour le pilote cubain Armando Cifuentes? C'est sa voiture qui aurait largué de l'huile. Alors, il a glissé, effectivement. C'était une Porsche qui a... C'est une Porsche qui a mis de l'huile. Cifuentes a glissé dessus et il est parti dans la foule avec malheureusement la tragédie qu'on connaît. C'était un jeune pilote, 26 ans. Il a été grièvement blessé, emmené à l'hôpital. Et il n'a jamais recouru. Il a été accusé à un moment d'homicide involontaire. Et puis bon, ça n'a pas réellement donné de suite, mais il n'a jamais recouru, il n'a jamais repris un volant d'une voiture de course. J'ai votre livre sous les yeux, Les Mille Vies de Fangio. Pourquoi mille vies? Parce qu'il a eu quand même plein de vies. Il a eu une vie avant la course, le début de sa vie en Argentine, puis le début des courses en Argentine, et puis il part en Europe, quand même, subventionné par le gouvernement de Perón, ah oui, argentin. Bien sûr. Il gagne quand même 5 titres en cette saison. Il a fallu attendre Schumacher pour que ça soit égalé et dépassé. Et puis après, il prend sa retraite en 58. Il devient président. Alors, il était concessionnaire. C'était quelqu'un très, très intelligent. Il avait l'argent qu'il avait gagné. Il l'avait investi dans des concessions automobiles parce qu'il avait des garages déjà quand il était jeune. Donc, il a acheté des concessions à Buenos Aires avec son frère. Et puis, il est devenu quand même président de Mercedes Argentine, ce qui est quand même pas rien. Ça montre bien que ce Fangio était quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et puis, il est mille vies parce qu'il a eu une vie personnel un peu dissolu. Il a eu 3 enfants, je le raconte dans le livre, qu'il n'a pas reconnu. Donc ça, faut lire le livre pour pour découvrir une autre facette de ce personnage de légende. Alors, il a couru donc également en Europe. Ça a été quoi ces grands faits d'armes en Europe? Qu'est-ce qu'il a gagné qui a été retentissant? Quel genre de grand prix, par exemple? Son fait d'armes, c'est le Grand Prix d'Allemagne 1957. Il court chez Maserati. 57, c'est la dernière année. C'est son 5e titre. Et, il courait à l'époque sur le Nürburgring, un circuit de 22 km. Et la voiture, les pneus ne permettaient pas de faire toute la course. Et donc, il devait s'arrêter à mi-Grand Prix. Et le Grand Prix durait quand même 3 heures. Il s'arrête à mi-Grand Prix. Et donc, il était parti sans avoir le plein de carburant. Donc, on lui avait dit, tu t'auras juste... c'est bon, ça va aller. Tu pourras changer les pneus. On fait le plein et puis tu repars. Il restera encore 12-13 tours et tu pourras refaire la jonction. Et si tout va bien, tu pourras gagner le Grand Prix. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Ils ont du mal à changer la roue. Ils perdent l'écrou qui passe sous la voiture, enfin bref, il s'arrête plusieurs minutes et quand il reprend la piste, il est très très loin, mais il va battre record du tour sur record du tour. Et tout le monde pensait que c'était impossible, que ce type était un trompe-la-mort et qu'il allait finir par sortir de la piste, tellement il prenait de risques. Et puis finalement, dans l'avant-dernier tour, il a réussi à faire la jonction avec les 2 Ferrari qui étaient en tête. Il les a doublés, il a gagné. Et il a dit après que jamais plus il ne ferait ce qu'il venait de faire. Et il n'a pas pu dormir pendant plus de 24 heures, tellement il s'était rendu compte qu'il avait pris des risques complètement inouïs. Bon, donc c'est effectivement son grand fait d'armes. Alors, on a dit 5 titres pour lui, d'accord? C'est égalé par Schumacher et Hamilton, c'est ça? Ouais. Donc ce sont les 3 pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule 1. Ouais, parce qu'après on a Alain Prost, 4 titres. On a Nelson Piquet, 3 titres. Max Verstappen, 3 titres, qui était champion du monde l'année dernière. Donc 5 titres. Et surtout, la prouesse, c'est 5 titres en 7 saisons. C'est-à-dire que sur une période très très courte. Il gagne, il est champion du monde en 51, en 54, 55, 56, 57. Et les il démarre autres, sa carrière en F1 en 50. Et les 2 autres, c'est sur une période plus longue, Schumacher et Hamilton. Oui, c'est des périodes plus longues. Donc Fangio reste, quelque part le plus grand de tous. Bien, merci infiniment, Sylvain. Merci Fabrice. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Ils ont enlevé Fangio, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Thévenot.